Bilan 6, page 177, exercice 1. A. Plus. Pluie. B. Fil. Fille. C. Voix. Voix. D. La beige. L'abeille. E. Lui. Louis.